Marcel est heureuse. Elle a appris la nouvelle la veille, non pas en lisant le journal, mais par une lettre. Elle n'avait jamais été aussi heureuse de recevoir du courrier de toute sa vie. Bien que sa mère l'ait lu à voix haute, devant la famille réunie dans le petit salon, la fillette put ensuite le déchiffrer elle-même, savourant chaque mot avec une joie indéfectible. Elle sait enfin lire et elle en est très fière. Aujourd'hui, Marcel a revêtu sa belle robe du dimanche, qu'elle met de coutume pour se rendre à la messe, une petite robe blanche avec un joli ruban noué autour de la taille et des souliers vernis. Elle s'est faite jolie pour le retour de son père. Assise devant l'entrée, elle attend. Enfin, on frappe à la porte. La fillette bondit de joie, tandis que sa mère se précipite pour ouvrir. Un homme entre, et Marcel écarquille les yeux. Son père, le visage sévère, les traits tirés, lui esquisse un faible sourire. À la place de son bras gauche, le nœud de la manche se balance faiblement dans le vide. La petite fille en robe blanche se met à pleurer.